de maintenant. Skyrock, Planet Rap. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Ali. C'est Ali. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Ali, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour Planet Rap entre 20 et 21. Passez une bonne soirée. Deuxième soirée avec Ali, qui est là notre invité toute la semaine. On s'approche. Bonsoir. Mine de rien. La sortie, c'est dans 6 jours. Bah écoute, ouais, avec le... Là, avec le délai qu'on a, ouais, c'est bientôt. C'est retransmis. On n'oublie pas ça, mais ça se prépare bien. Ça se prépare. Ça avance doucement. Merci à Didier Stretch. Merci à mes gens proches. Et quand je dis mes gens proches, c'est vraiment la famille, les vrais amis. Je les remercie. Merci à Fabrice. Merci à Cicéron. Merci à Greg. Merci à Reptile. Merci à Fred Kevorkian. Merci à mon petit frère Omar, merci à mon père, à ma mère d'avancer, tu vois, c'est vraiment... C'est dans les moments-là, tu sais, où t'as des choses qui viennent, c'est comme une naissance, tu vois. Tu vois, vraiment qui veut être là avec toi au moment de la sortie. Qui veut être présent et accompagné. Voilà. La sortie, c'est donc le 2 mars, que la paix soit sur vous, qu'on va continuer à découvrir. On passera à des extraits, on va débuter avec Dialogue dans un instant. Il y aura aussi un morceau extrait de cet album. On reviendra sur le parcours d'Ali aussi, avec des extraits des deux précédents opus. Et juste avant de débuter ce Planet Rap, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. C'est le replay. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Un véritable plaisir de recevoir monsieur Ali. Comment va ? C'est très bien. Écoute, en pleine forme. Très bien. Ça va ? Je te remercie pour l'invitation. Avec un album qui sort la semaine prochaine, le 2 mars. Il sort le 2 mars. Il s'appelle Que la paix soit sur vous. Exactement, que on la va... paix soit sur vous. Planet Rap. Dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue. Salut à mes homologues. Planet Rap. 10 ans après, c'est quoi? Quelqu'un d'apaisé? J'espère. Est-ce que tu as trouvé l'harmonie, justement? Alors, j'ai une phrase, c'est la phrase phare. C'est la phrase phare qui décrit bien, on va dire, la quête. Parce que c'est une quête, c'est pas fini. C'est pas le bonheur tous les jours. C'est avant de parler de paix, je me dois de parler en paix. Donc, je parle plus en paix qu'avant. D'accord. Mais ça s'entretient. Ça Donc, par rapport à il y a 10 ans, t'es un peu plus en paix. Planet Rap. On va se rappeler ce que j'avais fait avant de sortir cet album. Donc avant cet album, c'était le rassemblement. Ouais. Et un morceau qui me tient à cœur, c'était Tsunami. Tsunami, ça c'était sur le deuxième album. Sur le rassemblement. Sur le rassemblement, l'album d'Ali. Et c'est Tsunami tout de suite. Serrer les liens, donner les liens, lever les points, serrer les liens, j'arrive en force. Comme un tsunami. Serrer les liens, donner les liens, lever les points, serrer les liens, j'arrive en force. Comme un tsunami. Tsunami. Tsunami. Serrer les liens, donner les liens, lever les points, serrer les liens, j'arrive en force. Comme un tsunami. Serrer les liens, donner les liens, lever les points, serrer les liens, que notre union est la force. La tsunami. Tsunami. Tsunami. Tsunami. Aussi un appel aux parents, tu vois. Prenez soin de vos petits. C'est l'avenir, c'est nos trésors. Tu vois, à un certain âge, on a une maturité, on a une réflexion, on n'a plus d'excuses. On ne peut plus blâmer les autres. On a une part et une responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps encore il va nous rester à vivre. 10 ans, 50, 60, 70. Mais ça y est, les excuses sont finies. On a eu suffisamment d'expérience pour ne plus recommencer les erreurs. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Ça additionne et les mensonges comptent. Jalousie, trahison, règlement de compte. Génération Scarface. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. Mon esprit s'élance à la recherche de l'excellence. Vis le présent, laisse venir le jour suivant. Survivant, le rêve s'atteigne en les poursuivant. Réalise que la vie est un présent. Compte à la recherche de l'excellence, vis le présent, laisse venir le jour suivant. Survivant, le rêve s'atteigne en les poursuivant. L'émission rap de référence, c'est Planet Rap sur Skyrock. Voilà, c'était hier soir, une soirée chargée avec Ali. Plein de bonnes choses, des souvenirs aussi, on l'évoquait à l'instant sur Skyrock. Et puis cet album, donc ça c'est un peu plus tourné vers l'avenir, hein, la sortie de Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Avec des paroles, tu disais millimétrées, choisies, pesées. et tout d'ailleurs autour de cet album, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé hier, mais il y a un visuel qui accompagne cet album aussi, ouais, qui est important pour toi aussi, qui L'importance, on va dire, oui, c'est la réussite d'avoir ce que je voulais en mieux, c'est-à-dire que je cherchais à avoir quelque chose de lumineux, d'apaisant, qui, tu sais, c'est comme une couleur musicale, t'as des certaines sonorités qui te mettent dans un état de bien-être ou d'autres qui te mettent dans un état un peu plus dépressif. Là, je voulais quelque chose qui te fasse sentir bien. Donc au niveau de la couleur, je suis vraiment content, c'est lumineux, c'est apaisant, sans être agressif, tu vois, c'est pas une luminosité aveuglante, c'est un juste milieu, tu vois. Et il y a eu un gros travail avec le graphiste que je salue, Iwan. Donc Iwan graphiste, qui a travaillé avec Samba, qui a travaillé avec Yacine, qui a ramené une équipe où il y avait vraiment une aventure aussi derrière cette pochette. Donc je salue une fois de plus les gens qui ont contribué à cet album et cette pochette là. Donc moi, comment ça a commencé, j'ai pas choisi le lieu, j'ai juste demandé au graphiste, ramenez-moi quelque chose qui soit vert et lumineux. Donc dans ma tête, il allait avoir un arbre ou quelque chose. Oui, la nature. La nature. Soit sur vous. Quand on, Samba m'a présenté la photo, j'étais surpris, mais agréablement surpris. C'était quelque chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Donc je me suis dit, ben voilà, c'est le premier déclic étant positif, et je l'ai bien ressenti, le bon ressenti m'a fait accepter lors de leur choix, leur proposition, et on avançait dessus, quoi. Et puis vous le verrez sur l'album aussi, il y a évidemment ce côté hip-hop, puisqu'il y a du lettrage aussi dessus sur. Bah justement, ce lettrage, et merci encore de revenir là-dessus, tu vois, c'est tout est lié, ça veut dire que c'est Junkie qui l'a fait, Junkie alias Junkie quand il travaille dans le graffiti, et Jim Kazlou quand il est beatmaker. Donc il a aussi fait un titre avec Excess, on ne s'oublie pas. Donc il est beatmaker et aussi artiste graffiti. On passera dans la semaine, je vous le dis, c'est un titre inédit et exclu. C'est l'exclu, ouais. On repassera dans la semaine entre 20 et 21. Et pour faire en même temps le parallèle sur ce que tu dis sur le côté graffiti, n'oublie pas qu'il y a les 10 ans de KO Harmony et qu'on avait un événement avec mon ami Vong Léon et mon ami Raphaël, avec qui aussi on a une aventure artistique. Et il y aura tout un univers autour de KO Harmony sur le côté noir et blanc. Donc on a déjà commencé avec une peinture que vous pouvez voir sur YouTube, sur la chaîne 45 Scientifiques. Mmh. Tu vois que je commence à rentrer dans, c'est dans bien, ce c'est monde. C'est bien, c'est bien, je vois. Dans ce monde virtuel. Entre hier et aujourd'hui, il y a la chaîne. Il y a des forts, peut-être demain, je te dirai autre chose. Certainement. Et où tu peux voir vraiment l'hip-hop dans son essence. Là, c'est vraiment le côté yin-yang de KO Harmony, on a réussi à le rendre beau, tu vois, avec un tableau de Junkie. Et on reprend la thématique, en fait, de rappel à l'ordre, où je disais la musique est un milieu de requins, alors retiens, nous sommes des orques et des épaulards. Donc on a respecté le code noir et blanc, on ramène un orque en noir et blanc, un beau tableau, et tous les projets vont suivre cette thématique. Il y aura quoi? Il y aura une expo au bout du compte, ou ça sera plutôt... Déjà, un coup, il y a des artistes qui sont intéressés par le projet, vous êtes le bienvenu. Donc, ils peuvent passer par toi, comme ils peuvent passer par le Facebook Ali 45 Scientifiques et laisser leur projet. Déjà, le noyau dur, c'est des gens qu'on connaît. Je sais qu'il y a Nacio qui est partant, donc j'espère qu'il sera toujours présent. Il y a des gens vraiment issus du hip-hop. Et donc, tout le monde est le bienvenu, ça va être vraiment une question de choix et de goût artistique. Et voilà, donc on espère que ça va aboutir à quelque chose de... Donc il y aura un événement autour de KO Harmony qui fête ses 10 ans cette année, en effet. Exact. Et puis là, il y a la sortie, donc la semaine prochaine, Que la paix soit sur vous, on va débuter avec un extrait maintenant, c'est le morceau Dialogue. Exactement. Allez, c'est parti, Ali sur Skyrock. La vie n'est pas un monologue, adorateur du créateur, commandement 1 du décalogue. Du chemin que se poussent les démagogues, nos gosses n'ont pas besoin de mythos mais de bons pédagogues. Pas de paix face à Gog et Magog, mon corps vogue, l'esprit aiguisé comme Ghost Dog. Pas de c'est beaucoup de tragédies à la Van Gogh. vers la porte de l'éternité, nos destins s'engagent. Salam dans les mosquées, shalom dans les synagogues. Seuls les cœurs sincères sont ouverts au dialogue. L'ami, la vie n'est pas un monologue. Salut à mes homologues, scientifiques, près des astronomes, loin des astrologues. Livre céleste, tout est écrit, de nos paroles à nos gestes, de la préface jusqu'à l'épilogue. Salut à mes homologues. Dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue. Salut à mes homologues. Les ennemis se battent pour le dernier mot du débat. Il en est ainsi avant même d'arriver ici-bas. Dès le début, Iblis nous combat. Tant de coups bas, j'encaisse en silence avec la grâce d'un boxeur de Cuba. J'ai l'art de la guerre comme un guerrier nouba. Bâtisseur de la paix d'ici à Cuba. Loin des endroits où être mauvais n'est plus un tabou. Celui que tu es devient celui qui t'abat. Le venin des hommes est pire que celui d'un mamba. Paris a le stress comme Rio à la samba. Les ennemis se battent pour le dernier mot du débat. Il en est ainsi de l'Assemblée jusqu'au Sénat. Ni de l'ENA ni de Sciences Po. J'ai partagé les bancs avec X-Men et les sages pauvres. Salut à mes homologues. Dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue. Salut à mes homologues. C'est Ali, notre invité toute la semaine dans Planète Rap. Que la paix soit sur vous. C'est l'album qui débarque le 2 mars. Et ce morceau qui s'appelle Dialogue à l'instant. Qui est quoi? Qui est une transition aussi, ce morceau, avec les précédents projets? Qui est. Ouais, c'est une continuité. Qui est une continuité, ouais. Le rassemblement étant une introspection, c'est vraiment une quête intérieure. Là, le dialogue, c'est l'ouverture. Et d'ailleurs, je commence l'album avec le symbole du lotus qui s'ouvre, tu vois, qui s'épanouit. Donc l'ouverture, elle commence aussi avec ça. Mais c'est vrai, quoi. T'en parles déjà depuis un moment, lotus. J'avais déjà cette quête. Cette quête. Cette envie. J'avais un texte où je crois que c'était dans Soleil Levant. Je disais, j'avais fait une rime avec lotus d'or serein comme un fœtus, tu vois. Donc quand j'ai des choses qui me parlent dans un texte, je les reprends et après je vais en faire un sujet, en fait. C'est des relais, ça me permet vraiment d'avancer un pied après l'autre. Mais là, t'en fais plus que ça, parce que c'est vrai qu'il est aussi sur le logo, il est c'est présent. Le logo, exactement. De l'album. Exactement. On peut le retrouver. Et ce morceau qui s'appelle Dialogue, tu me disais une histoire de famille aussi sur ce morceau. Oui, bien sûr. Alors, à la guitare. À la guitare. Comme on dit sur scène. À la guitare. Tayeb Thierry et Tayeb Ludier, que je salue. Et voilà, c'est mon cousin, Maria, ma cousine Amina. C'est une histoire d'amour, parce qu'Amina, c'est ma cousine préférée. C'est vraiment la meilleure amie de ma mère. Et c'est vraiment, il y a. Voilà, c'est un bonheur d'avoir fait. Il y a un lien fort, parce que en étant ensemble, on discute, tu vois. Ça serait bien un jour qu'on fasse quelque chose. Et le fait de vraiment faire quelque chose, ça fait plaisir. Vous aviez jamais fait avant? Il n'était pas venu jouer Jamais. Jamais. Tu vois, lui, c'est quelqu'un qui vient de. Qui est un vrai rocker, ça veut dire qu'il a des notions, et au-delà des notions, c'est un véritable artiste, tu vois. Donc c'est un véritable plaisir, c'est doublement partagé. D'une, au-delà, bon, c'est vrai que c'est la famille, tu vois, donc on va pas rester en mode mafieux, ouais, la famille, tu vois, non, c'est pas. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un que t'aimes, avec qui tu peux faire quelque chose de beau, tu vois. Mon pote Stretch aussi l'a rencontré, on était ensemble dans le sud, on a rigolé, tu vois. Et donc, ce côté. Je crois que Stretch veut dire quelque chose, non? Il s'approche du. Non, tu voulais ajouter un dossier, peut-être? Non, de la boîte à dossier, non? Non, pas de dossier. Et donc voilà, donc, pour le côté guitare, c'est Thierry Tayeb Ludier. Donc, quelqu'un de ma famille et qui a vraiment de l'expérience, je l'entends dans la guitare. Là, c'est pas un solo à la va-vite. Là, c'est. T'as de l'émotion dedans, vraiment, c'est fort, tu vois, pour ceux qui apprécient la musique, c'est un vrai plus. C'est un truc que tu aurais pu imaginer, toi, quand tu as débuté la musique, justement, d'inviter du rock. Parce que quelle image tu avais du rock à l'époque, quand tu commences le rap, toi? Alors, je vais te dire clairement, tu vois, même là, sur la demande que j'ai eue avec Taïb, qui a une vraie culture aussi, tu vois, étant venu lui-même au Maroc, il connaît la culture gnawa, il connaît les basses, il sait qu'on peut respecter, tu vois, la musique gnawa est très proche de la musique malienne, c'est la même racine, c'est la même, en fait, c'est la même tonalité que t'as dans le blues, donc il connaît très bien le blues. Et à partir du moment que t'es dans le blues, t'es dans le rap. Parce que c'est le même cheminement, tu vois. Donc, pour moi, il n'y avait pas de... C'était naturel. Et une fois de plus, voilà, c'était familial à plus grande échelle. Bon, et puis en effet, tu as raison de le préciser, c'est famille, mais pas mafia. Et mafieux, d'ailleurs, t'en as fait un morceau. Je sais, ouais. Je me souviens que dans l'album Rassemblement, il y avait un morceau où t'expliquais d'ailleurs les terminologies. La terminologie, ouais, de la mafia, c'était dans. Bah, peut-être qu'on pourra le réécouter dans la semaine aussi. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas ce qui est prévu. Là, on va repartir sur quoi? Sur le rassemblement, sur K.O. et Harmonie. Qu'est-ce qu'on va mettre comme morceau maintenant? On va partir sur le rassemblement. Rassemblement. Juste un petit mot avant d'enchaîner le rassemblement, c'est aussi de parler du beatmaker, Krone, ouais. Et de ses amis, parce que c'est son groupe Grim Reapers, qui ont fait un morceau à trois personnes qui ont contribué à ce morceau, donc je leur dédicace aussi le titre, on en reparlera demain. Eh ben, très bien, et là on l'écoute maintenant, extrait du rassemblement, c'est dans Planète Rap avec Ali. Entre terre et ciel, invisible et le rationnel. J'entretiens le relationnel, la vie est un long test. Pourquoi l'air si triste? Elle ne tient qu'un fil, je me fais équilibriste. Que mon âme se libère de toute posté. Longue est la route, en moi je maintiens l'espoir posté. À travers l'espace-temps, l'amour me fait déplacer. Rap praticien, mathématicien, multiplie les rimes sans me lasser. Cristallise mes pensées en lettres entrelacées. Et Rachid, oui, on est la MPC. Que ça kick lourd comme au BMTC. Bravoure, mental, tonus et concentration. Du chaos et de l'harmonie, j'ai fait la contemplation. Place à l'action, le rassemblement en destination. Ma nation avance dans l'obéissance, bâtit sa fondation. Comme Noé l'a fait pour l'arche, évitant l'immense inondation. Opérationnel, entre terre et ciel, invisible et le rationnel. J'entretiens le relationnel. OP, OP, opérationnel, OP, OP. Opérationnel, entre terre et ciel, invisible et le rationnel. J'entretiens le relationnel. OP, OP, opérationnel, OP, opérationnel. Vois les agents infiltrer la matrice, voulant éliminer les gens de paix, comme ils l'ont fait pour Lumumba, Patrice. Ici-bas est une tentatrice, affichant ses parures telle une cantatrice. Libératrice, la vérité est élévatrice, salvatrice, sur le mensonge, dominatrice. Inspiratrice, à faire le bien, instigatrice. Sans elle, la justice n'est que factice. Trop d'artifices brise le faux, ne laisse pas le mal traverser ton iris. Vise le haut, hisse ton âme, au-delà des pièges d'Iblis. Dans la bise de l'insouciance, nous sommes périssés. Guerre sans et sévice, face à l'iniquité, mon aura s'érisse. OP, que l'amour nous guérisse. Renforce mon cœur, mon corps, mon édifice. Comme Abraham et son fils, sur l'autel du sacrifice. La vie est un test, Inch'Allah qu'on réussisse. OP, OP, OP, OP. Opérationnel, entre terre et ciel, invisible et le rationnel. J'entretiens le relationnel. OP, OP, opérationnel, OP, OP, OP. Opérationnel, entre terre et ciel, invisible et le rationnel. J'entretiens le relationnel. OP, OP, opérationnel, OP, OP, opérationnel. Le Planète Rap avec Ali, un petit retour en arrière, 5 ans en arrière pour l'album Le Rassemblement, parce qu'on écoutait un extrait à l'instant sur Skyrock. Hier on parlait, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de K.O. et Harmonie, qui était le premier album solo. Quand tu fais en 2010, ou un petit peu avant, Le Rassemblement, t'es dans quel état d'esprit? Bah déjà, je suis marié, j'ai des enfants. Donc ça change. Ça a changé. Ça change. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans le rassemblement. Le sourire de mes enfants m'apprend à mieux me connaître. Donc c'est vraiment un moment, t'as des enfants et c'est déclencheur de beaucoup de choses, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu dis aussi, bah, peut-être que ça y est, j'ai fini avec la musique, je vais faire d'autres choses ou non? J'étais déjà sur l'album. T'étais déjà dessus? J'étais déjà sur l'album. Ça, c'est pas une question que tu te poses, tu te dis parfois. Parce que c'est vrai que t'es, bah, on voit, évidemment, on le sait, t'es aussi un petit peu à contre-courant de ce qui peut se faire, et notamment dans le rap. Y a pas beaucoup de gens non plus qui vont plutôt vers ce courant de pensée. Y a beaucoup de choses, t'as suivi, je suppose, la dernière vague actuelle avec beaucoup de trap musique, beaucoup de paroles assez minimalistes, assez simplistes. En fait, maintenant, j'arrive à un âge où ça y est, tu vois, j'ai 39 ans, je vais plus être influencé par des plus jeunes, ou ça y est, là, Dieu merci, j'ai mon caractère forgé, donc ça y est, j'avance tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu te poses des questions, comme tout le monde se poserait une question par rapport à sa vie, tu vois, c'est des tournants de vie que tout le monde a. C'est clair et net qu'à un moment, il y a eu des décisions posées quand j'étais plus jeune. Bien avant Mauvais Oeil, est-ce que je vais en faire mon métier aujourd'hui? C'est mon métier, donc j'avance tout simplement. Donc faut avancer, même quand on a des baisses de souffle. Mais c'est la vie de tout le monde. Ça veut dire que même toi dans la radio, à un moment la routine elle peut te tuer, te dire ah ça suffit, tu vois. C'est tout simplement ça. Mais je me suis pas remis en question sur une autre option, arrêter la musique ou pas, non. T'écoutes beaucoup de rap français encore ou pas? Alors moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant. C'est vrai que il y avait une époque où j'étais plus à l'écoute. Et maintenant, on va dire que sans être sélectif, c'est une écoute naturelle. Par exemple, R.E.D.K. qui m'a invité sur son album, j'ai beaucoup plus de facilité à l'écouter. Je me reconnais plus dans son travail et je vois que c'est un travail approfondi. Tu vois, le fait de travailler, comme tu as dit, de façon précise et avec patience, tu reconnais le travail bien fait des autres. Tu reconnais celui qui a travaillé rapidement et de façon bâclée, et tu reconnais celui qui a pris son temps et qui a donné de son énergie. Et R.E.D.K. fait partie des artistes qui donnent de leur énergie, qui aiment vraiment ça. Tu le reconnais, tu l'entends. Donc je respecte ça. C'est eux que je vois, tu vois. C'est vraiment les gens importants. C'est des gens importants plus que le nombre, tu vois. Je suis pas dans le quantitatif, je suis dans le qualitatif. Mais est-ce qu'il y a des choses qui te touchent, alors, au moins musicalement, sur les nouveaux venus dans le rap français, je dirais? Bien sûr. Déjà d'une, pourquoi ça me touche? Parce que c'est un mouvement que j'aime, donc il y a une continuité. Donc à moi de me dire, voilà, il y a une jeunesse, et que la jeunesse se doit d'être elle-même à un certain moment, sans aller dans un autre extrême, tu vois, tout n'est pas excusable non plus. Et à partir du moment où ça devient... tu peux parler d'une façon crue, mais tant que c'est pas haineux, ça me parle. Ça te parle. Voilà. Bah, c'est pour résumer un petit peu ce que tu peux écouter. Voilà. Et l'album Que la paix soit sur vous débarque lundi prochain. On écoutera un extrait de l'album dans quelques minutes ou autre chose? Bah, on va te remettre un titre de K.O. Harmony. K.O. Harmony. Et pour aussi reparler des 10 ans et de l'événement de peinture aussi. Et ben, ne bougez pas, c'est dans un instant avec Ali. Notre invité toute la semaine entre 20 et 21, le freestyle par téléphone, la roulette, ça va tourner aussi avant 21h. Hurry, hurry. L'émission rap de référence. Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. Let's go. Ce soir. Planet Rap Ali. Ladies and gentlemen, j'ai choisi Skyrock. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète. Ce soir. Planet Rap. Avec Ali sur Skyrock. Planète Rap toute la semaine entre 20h et 21h avec Ali. Que la paix soit sur vous, sorti de l'album le 2 mars. Ali avec nous. Et bah justement, il est grand temps aussi de se replonger un petit peu en arrière, Ali, si tu veux bien. Oui. Premier album solo, donc c'est cet album qui va fêter ses 10 ans. Qui va fêter ses 10 ans cette année. C'était sorti en 2005. Et là, 2015, on a un projet de peinture qui va accompagner l'événement. Donc on va prendre tout le concept yin et yang, noir et blanc, et on va l'illustrer. Et on a déjà commencé, il y a des vidéos avec Junkie, donc vous pouvez le voir sur la chaîne 45 Scientifiques, sur la chaîne YouTube, et supporter ce mouvement, tous les amoureux du graffiti et du hip-hop, c'est à vous que je fais l'appel, supporter le mouvement. Il y a beaucoup d'artistes qui ont du talent à exprimer, dont Junkie, et voilà. Ça continue. Il y a une époque, t'as tagué, t'as graffé Vite fait. Ouais. C'était quoi ton blaze à l'époque? Ah, c'est... ça y est, c'est fini, ça. C'est fini, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, c'était fini. C'est fini. Ouais, je peux je peux pas en parler parce que c'est. Je crois qu'il y a plus de poursuites possibles, je pense. Non, au-delà de la poursuite, c'est ridicule dans le sens où j'étais pas un vrai tagueur. Un vrai tagueur, tu sais, il vivait ça tout le temps. Ah ouais. J'y allais de temps en temps, histoire d'essayer, quoi. Mmh. Donc, voilà. Mais ça t'a pas, ouais, ça t'a pas plu. C'est comme le beatmaking, j'ai essayé, tu vois. Ouais, t'as essayé. Voilà. Au moins, t'as fait cette compétition. T'as dansé aussi à un moment? Il y a non, eu. J'étais pas y a jamais eu de danse? Non, j'étais pas même danseur. Tard dans des soirées, ouais, non j'ai, tu faisais pas ça? Ah non, il y a eu des soirées à l'époque lycée, tu vois. Mmh. Mais danseur dans le mouvement hip-hop et. Non. Non. Ça, non. Non. Mais sinon, c'est pas. Non, c'est pas ça, non. C'est pas de cette façon-là. Non, c'est. C'est voilà, j'aurais pu. En plus, à l'époque où j'étais au collège, c'était la mode, elle était au hip rock. Mmh. C'était la danse du combat à l'époque, tu vois. Ça m'intéressait, donc je bougeais un peu dessus, ça faisait vraiment plaisir, mais j'ai pas approfondi. Mmh. Tu vois, c'est comme pour le beatmaking, c'est comme pour le graffiti et c'est comme pour la danse. Je peux pas te dire ouais, j'ai dansé alors que j'ai juste essayé, tu vois. Alors qu'il y a des mecs, c'est leur vie, tu vois ce que je veux dire. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mmh. Bon, bah, on saura pas ton blaze, en tout cas, toi, hein. J'aurais essayé de le connaître. Je peux dire que juste avant de m'appeler Ali, à un certain moment, je m'appelais Daddy Ali. Comme c'était un peu raga hip-hop, et voilà. C'était la grande époque où tout le monde s'appelait Daddy. Ouais. Vois. Et j'avais pas d'enfant pourtant à l'époque, tu vois, mais. Mais t'étais voilà. Déjà Daddy. J'avais même un fameux morceau avec Daddy Lorty, les deux Daddy, et. Et voilà. Daddy Ali est devenu grand maintenant. Voilà. Et on va l'écouter avec un extrait. Bah tiens, donc on se replonge sur K.O. et Harmony. Le morceau qui s'appelle tout simplement K.O. et Harmony. C'est maintenant. Yeah, niggas. K.O. et Harmony. Si la terre, ni le paradis, ni l'enfer, sans faire part, j'ai été invité à amener ma part de progrès. Au départ, des cris et du sang mêlés à la joie du maire. Dès l'arrivée, c'est chaos et harmonie. Le père près du berceau, les yeux ouverts, se voir aider mon fils. Ce monde est fait pour percer. Honore-moi car tu es mon futur, comme je suis ton passé. Nos vies ne sont que la lecture d'un livre céleste, où le destin de chaque chose est scellé. Tes paroles et gestes feront qu'on t'aime ou te déteste. Reste tel qu'on t'a désiré. Un bruit de l'amour, exilé des jardins, c'est des décors de béton et de parpaings ou parcours. Que ton cœur ne cède pas à la vision qui t'entoure. Considère-le comme un temple, que la haine soit profane. Des mauvaises pulsations se propagent. Le stress qui mène au trouble de l'esprit. Laisse les organes, laisse la lumière imprégner ton âme. Éclairer tes pas et régner sur ta langue. Bras, jambes, bras, tête. Que ton énergie s'équilibre dans l'alternance du yin et du yang. D'origine le conflit et l'union. Coexistent comme les djinns et les anges. D'où la douceur et la sévérité. La sérénité et la panique. Ainsi va le cheminement, le cours des choses. Tao. Et pour ne pas m'égarer de ma voix, ma guidée coranique, chapitre 2, 205, Allah n'aime pas le désordre. J'obéis et m'oppose au chaos. C'est ici-bas que les chemins se prennent et que tu traînes dans le bon ou le mauvais. Tu croiseras les joies et les peines. Ma définition du chaos, c'est le poids des chaînes sur des peaux des peines. 2005 ou 45, un des plans pour la reconstruction. Reconnais la valeur des hommes, pas qu'à leur instruction, mais à leurs âmes. Je demande peu de choses, que mes œuvres pèsent dans l'au-delà. Qu'ici-bas la dignité demeure intacte. Les pieds au-dessus du magma, la tête sous les astres. Sous ce choc des plaques terrestres, des civilisations. Séisme et racisme se révèlent parmi les désastres. Le mal de la place élevée du podium, et sous le poids du bien s'écroule. Aussi vrai qu'au contact de l'air brûle au sodium. Et pour survivre comme la Chine face à l'opium des Britanniques, se multiplier ma pratique des mathématiques. C'est pour mes têtes noires, marron et beige. La grande famille est bonnie. Au commande de la souffrance, née l'harmonie. L'harmonie, l'harmonie, l'harmonie. Harmony. Harmony. Chaos et Harmonie avec Ali. Ça fait 10 ans que cet album est sorti, ça passe vite. Hein. Si tu permets, une grosse, grosse dédicace vas-y. À mon frère Généraldo qui a fait ce magnifique morceau. Et voilà, ça c'est vraiment la griffe 45 centimes. Ouais. Aussi bien musicalement, voilà, ça c'est le travail du général que textuellement, c'est mon travail, c'est mon apport. Et là, c'est vraiment une pierre à l'édifice, que ça soit dans Mauvais Oeil, tu vois, des titres comme Pas le temps pour les regrets, comme celui-là, il y a vraiment, tu sais, c'est... Ah, il y a une patte particulière. Il y a une grosse patte, c'est la patte 45 centimes. On en est où d'ailleurs, Géraldo, le label 45? Parce que là, le label 45, clairement, il n'existe plus en tant que société, il existe en tant que label. Que marque déposée, la marque elle est déposée, c'est un label qui existe toujours, c'est mon label et c'est le label de Géraldo, donc c'est notre label, c'est on continue label. À le défendre. Donc vous continuez, il y a toi évidemment dessus. Il y a moi, le nouvel album 2015, il y a Géraldo. Et il y a d'autres projets ou... Pour l'instant on se focus sur nous, on reprend la forme comme on dit. Que la paix soit sur vous, ça sort le 2 mars prochain. Et le morceau, je disais à l'instant, K.O. Harmony. Tu veux dire un petit mot d'ailleurs aussi sur le son de K.O. Harmony, donc Géraldo, mais sur les gens qui t'accompagnent peut-être sur celui-ci, que la paix soit sur vous. Oui. Ou on en fera une spéciale aussi durant cette semaine. On pourra faire ça, une spéciale. D'accord. Et justement, comme tu m'as parlé de K.O. Harmony, tu vois, 7 titres ont été faits par Géraldo et 7 titres ont été faits par Fred Dudouet. Très gros talent. Il a fait Génération Scarface. Il a fait Tolérance Zéro. Et c'est parti aussi historiquement aussi de Fred Dudouet, il a ramené énormément dans cet album et voilà, c'est son album, c'est l'album de Géraldo et voilà, je les salue. On va accueillir maintenant, si tu le veux bien, et avant de passer un morceau peut-être de l'album Art, on mettra ART. On va mettre Art. Après, si on pourra inviter les beatmakers à en parler eux. Dans un instant, justement, on accueille Vito de Rodez. Salut Vito. Ça va? Ça va et toi? Nickel, ça va Ali? Ça va Vito? Vito, j'allais demander, attends, parce que est-ce que tu connais Ali? Ouais, ben, un classique Ali, hein. Merci frère. Parce que tu as 17 ans, il y a 10 ans, il sortait K.O. et Harmony, t'avais 7 ans. Ouais, mais c'est via les grands frères que j'ai connu ça. Ah voilà, c'est ça. On parlait de ça, tu vois, des. La transmission. Des grands qui transmettent et qui vont te parler de réalité, et c'est bien, c'est bien. Ouais. Et ben, il y a un nouvel album qui débarque, Vito. Ben, on va précommander ça, on va soutenir c'est et cool. Au top. Merci frère. Yes, avec plaisir. Toi, tu viens nous lâcher un petit freestyle ? Eh ouais, pas de soucis. Hein. Eh bah, c'est parti, c'est l'heure du freestyle par téléphone, on t'écoute. Yes. Yes. Vito. Rodez. Yo. C'est pas la vie qui est moche, c'est la vue du Porsche. À mon avis, c'est mort, ils te refroidissent pour un bail hoche. C'est que des lyriques, mon pote, part de ta life qui est fausse. Essaye de viser là-haut, eux, ils creusent ta fosse. Et je m'exerce dans ma passion, un vagabond n'a pas de GPS. J'ai fait du chemin en 4 saisons de campagne jusqu'au test. C'est pour les frôlots qui sont restés humbles. Et si t'es dans le ravin, je te tendrai la main. N'aie pas de stress, même si la maîtresse me voyait en larmes affleuries. Déterre mon pic en armes, je tentais de viser Bercy. Difficile de fleurir, il te graille comme un fleuri. Triste vie, sentiment avarice, le rite à la suivre, oui. Car niveau meuf, je suis peu romantique. Pourtant, je devrais avoir le charme de la romantique. Et gros, je pète un boulon, à force d'être dans de mauvais vies. J'ai mon côté de la West Indies, Vito. Yeah, alors yeah. Bah, tu vois, c'est ce que Vito, tu viens de faire, c'est ce que. C'était la discussion qu'on avait avec Fred. Ouais. Il y a, comment ça s'appelle t'as dit des choses. Ouais. Tu vois, d'une façon fraîche, tu vois. Et c'est ça que j'aime. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuses, les gars. On peut s'exprimer sans être haineux, sans être sale, sans être. C'est pas vrai. La rap n'est pas sale. Donc merci Vito de le prouver, t'as 17 ans, tu le prouves, tu vois. Parce que merci à un moment je peux pas venir tout seul et le dire. Parce qu'ils vont dire, ah lui il est relou, il est trop religieux, il nous fait il chier. Il nous saoule. Mais toi t'es venu, voilà, t'es un exemple, t'es une preuve que non, c'est pas vrai, que tout ce qui est dit là-dessus, c'est totalement faux. J'ai entendu aucune insulte. Il y a l'air du temps 2015. Il y a l'air du temps 2015, mais en plus de ça, tu vois, il y a de la paix dedans. Tu vois, j'ai même envie de te dire, voilà, j'ai envie de te rencontrer, qu'on fasse un morceau ensemble. Tu vois, parce que. Si on peut faire ça, mon frère, c'est avec plaisir. Tu vois, parce qu'à un moment, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Il y a des petits frères comme toi qui sont là et qui prennent aussi le temps d'écrire et qui y croient, tu vois. Eh oui, mais donc on fait ça par plaisir, frère. Hein. Voilà. Toi, t'écris souvent, toi, Vito c'est Ben, j'ai commencé à écrire il y a 7 ans à peu près. C'était en Guadeloupe. Et j'ai toujours fait ça. Par l'envie de la musique, parce que j'aime la musique et je suis pas là pour parler de drogue, de violence. On a besoin de petits frères comme toi, comme toi t'as besoin de grands frères comme moi, tu vois. Ouais, comme ça, on laisse pas passer les gens qui nous disent que le rap c'est sale. Il y a du rap sale, ça fait partie de la réalité. La saleté fait partie de la réalité. Et ouais. Tu vois, mais il n'y a pas que ça dans la vie, c'est pas vrai, les frères. Faut pas engrainer les petits, c'est tout ce que je veux dire. Ouais, mais c'est avec. Bah écoute, Vito, si tu veux parler featuring maintenant avec Ali, ne bouge pas, je rédige les contrats et on s'occupe de toi, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'on entre de bonnes mains avec toi, Fred? Yes. Ouais, bah évidemment, tu me connais. Pas de problème. C'est cool. Alors on peut avancer. Tiens, Vito, par contre, file les adresses où est-ce qu'on peut te retrouver sur le. Parce que toi, je suppose que par contre, sur le net, tu y vas, non? T'envoies du son, t'envoies des. Ouais. Ben, ma chaîne YouTube, c'est Vito, V-I-T-O, espace Youv Music, Y-O-O-V, musique, M-U-S-C-I-C, I-C, pardon. Et sinon, après, dans la description de toutes les vidéos, il y a mon Facebook, il y a tout ce qu'il faut pour me suivre. Okay. Et ben, on ira faire un tour. On va te contacter et on va faire ce qu'on pourra faire. Merci beaucoup, Ali. Encore force à toi, frère. Force. Et merci. À tout le monde, ouais. Et ben, merci à toi, Vito, et bon courage merci pour la suite. Vous. Merci. Yes, à plus. Yes. Voilà. Si vous voulez des featuring avec Ali, allez-y cette semaine, hein, vous envoyez un petit message. Un coup d'épice, bah ça peut être possible. Bah on peut dire un mot, tiens, en parlant de featuring, il y a un morceau qu'on passera en fin de semaine avec XS qui s'appelle On ne s'oublie pas. On s'oublie pas. Qui est un titre inédit qu'on pourra découvrir extrait de ton album. Il y a Ifi. Il y a Ifi. Qui est présent. HIF. C'est une longue histoire, pareil. C'est Ifi. Une longue histoire. Ouais. Une longue histoire. Et Laura Luciano aussi. Luciano. Qui est présent sur cet album. Laura Luciano a vraiment un frère qui, voilà, à qui je souhaite tout le meilleur parce que on a un peu le même parcours, on fait ça vraiment par amour, tu vois. Donc, des fois, dans les absences, c'est quand on nous dit, mais vous êtes pas là, vous faites quoi? Alors, on vit et ça fait partie de nos vies, tu vois. Donc, c'est des choses importantes, c'est pour ça que c'était important qu'il soit là. Et Laura Luciano, c'est vrai qu'on attend, alors, a priori, peut-être pour 2015, un album. Je le souhaite. J'arrête de le dire parce que chaque année. Je le souhaite de tout mon cœur. Mais moi aussi, pareil. Moi, j'annonce pas, mais je souhaite, tu vois, c'est deux choses différentes. En tout cas, un grand salut à Luciano, à Ifi, à XS, à Habib Ken aussi. Habib Ken, un grand talent, tu vois. Et ça, c'est le côté soul de l'album. Tu sais, il y a un petit côté jazz, tu vois. Et c'est ce qu'il faut comprendre, tu vois. Il y a des choix, il y a des prods qui ont été vraiment choisis. Ça veut dire, comme tu as dit, il y a une précision, il y a des choix, tu vois. Et le jazz et la soul, c'est des musiques intemporelles. C'est des musiques qui mûrissent bien. Que t'écoutes encore, toi, régulièrement. Que j'écoute. Et que ma mère écoutait. Tu sais, ma mère, elle écoutait Otis Redding dans les années 60. Donc elle m'a transmis ça aussi, tu vois. Bercé, ouais, par Otis Redding. Donc voilà. Donc, entre autres. Donc, c'est une culture, une fois de plus. Donc, c'est quelque chose que je défends. La scène soul, aujourd'hui, est peu ou mal représentée par rapport à une scène très R&B, mais que je trouve un peu formatée, tu vois. La vraie R&B, celle de Mary J. Blige, c'est un vrai talent, c'est un savoir-faire, tu vois. Donc, ces dernières années, on a une R&B, je veux pas critiquer les gens, mais ça a été très formaté. Donc on s'est éloigné de ce qu'est réellement le R&B. Et donc moi j'ai voulu ramener quelque chose de soul. J'avais fait un titre qui était plus, on va dire, dans la technique au niveau du chant R&B sur Kao Harmony, alors que la musicalité était vraiment hip-hop. C'était avec Wallen. Et Wallen que je salue aussi au passage. Et Abdelmalik aussi que je salue au passage. Et donc voilà, c'est un état d'esprit aussi que j'essaie de défendre. Quand tu disais justement que ta maman t'a bercé entre autres avec Otis Redding, quand t'as fait du rap, quand t'as commencé à faire du rap, tes parents l'ont vécu comment à ce moment-là? Ils étaient Au début, ils ont écouté, tu leur faisais écouter ou... Non, parce que j'étais petit, je faisais ça dans mon coin avec mon petit frère. Je me rappelle, on enregistrait sur des cassettes et c'était vraiment comme Vito a dit, c'était un plaisir, tu vois. C'était de la rigolade plus qu'autre chose, mais il y avait un vrai kiff aussi, tu vois. Les parents, non, c'était pas ça. Les parents, ils sont occupés à travailler, tu vois. Ils sont dans un autre monde. Et quand il y a eu le crimpé, quand il y a eu mauvais oeil. Ah non, là, c'était bien plus loin. Moi, je t'ai parlé de l'âge de 13 ans. Ouais, du début. Heureusement, je suis pas arrivé avec le crimpé à 13 ans. Et dire, le garçon, il va pas bien, tu vois. Non, mais après, justement, Non. D'ailleurs, à l'époque, j'avais le titre d'Adi Ali. J'avais un texte où je disais, parmi les bandits, j'ai grandi. Aujourd'hui, me voici celui que les gens de la rue appellent le hip-hop junkie. Et ma mère, une fois, m'a entendu rapper ça. Elle m'a dit, mais avec quel bandit t'as grandi, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, c'était le kiff. Tu vois, c'était vraiment le kiff. Après, en grandissant, le crimpé, bien sûr, je veux pas le faire écouter à mes parents. Aujourd'hui, le rassemblement, je peux le faire écouter à mes parents. Kao Harmony, même encore ça, je peux l'expliquer à mes parents. Que la paix soit sur vous. C'est un honneur et un bonheur de dire, voilà. J'ai fait une œuvre intitulée Que la paix soit sur vous. Au-delà de la musique, c'est vraiment un honneur d'avoir eu la chance de vivre et de faire quelque chose. Et ben on va en écouter un extrait si tu veux bien maintenant. Le morceau s'appelle Art. C'est extrait de Que la paix soit sur vous, album qui sort le 2 mars avec Ali.

Et là, aujourd'hui, toujours pour rester sur la scène française, je produis l'album d'un, en tout cas le EP d'un artiste de Perpignan qui s'appelle Hassan, donc qui arrive, qui est pas mal attendu parce que à Perpignan il y a une scène qui est intéressante. Il y a Némir aussi, Némir avec qui je bosse avec aussi. Avec qui tu bosses, mais qu'on peut saluer aussi. Qu'on peut saluer au passage, exactement. Et voilà, là aujourd'hui c'est ma première rencontre. Ma vraie rencontre avec Ali, parce que j'ai pas eu l'occasion. Ah, malheureusement, jamais croisé. Je l'ai jamais croisé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est Stretch qui m'a présenté en fait Ali virtuellement. On va dire, parce qu'il m'a présenté une prod sur laquelle il voulait que je fasse des arrangements. Donc c'est la prod du morceau ART. Et donc du coup, moi j'ai participé à ce morceau. Et là aujourd'hui, je suis content de le rencontrer pour de vrai, quoi. Ali, ah, c'est une vraie toi aussi rencontre. Pareil. Bah, moi, je l'avais déjà vu sur scène. Il y a le Beatmaker Contest et je les salue aussi parce que c'est vraiment structuré d'une façon très fraîche, mais il y a une profondeur très hip-hop. C'est vraiment très défendu et là, je les salue pour ça. Tu vois, c'est un grand respect pour eux. Ils ont vraiment défendu un état d'esprit. C'est-à-dire que ce qu'on a essayé de défendre avec 45 scientifiques, que ce soit Géraldo ou moi, cet état d'esprit positif et beau, tu vois, et créatif, ils ont réussi à le préserver. Donc je suis vraiment content et je les salue et je les remercie pour ça. Parce que c'est vraiment une continuité, tu vois, c'est des liens entre nous qui sont forts. Et c'est des rencontres aussi, au-delà du virtuel, de cœur aussi, parce que c'est Stretch qui m'a introduit. Oui, j'ai demandé, est-ce que c'est toi qui aimes le contact, le rapport humain, justement. Exactement. Le fait que c'est la première fois que vous vous croisiez. C'est la première fois, mais ayant confiance en Stretch, c'est comme je t'ai dit, on a un long parcours ensemble. Je sais que je lui fais confiance, ça y est, c'est mon frère. Quand il va me présenter quelqu'un, je sais que c'est un gars sûr, on va dire. C'est aussi une histoire de famille. Hein. Oliver et moi, on est cousins en plus. Ouais, donc on est de la même famille, bon, donc c'est pour ça. On commence à revenir sur la thématique de la mafia. C'est la mafia. Bon. C'est la mafia, quoi. Ah, parce que comme on dit, une fois ça peut être une coïncidence, hasard commence à disparaître. Je te parle même pas de la troisième fois, mais on l'aura avant la fin de semaine. On va réécouter Mafia alors. On le réécoutera demain. Ok, on en reparlera. On réécoutera Mafia. Ok. Et donc Stretch, pareil, compagnon de route. Et Stretch, justement, il m'a été introduit par Géraldo. Et Géraldo a bien vu en lui cette continuité qu'on avait dans 45, cette rythmique, cette profondeur, cette basse qui est très importante parce que, une fois de plus, les techniques changent, mais il y a vraiment une essence derrière, tu vois. Et c'est ça que certaines personnes ne veulent pas comprendre. C'est plus profond qu'on le croit que de simples techniques. C'est comme des arts martiaux. Tu peux venir faire toutes les galipettes au monde et faire du kata artistique, mais si derrière toi, on t'a pas déjà enseigné l'humilité, le respect de l'autre, la culture, que ça a été semé, que c'est profond, que ça, qu'il y a une origine, si on t'a pas enseigné ça, bah, ça sera des galipettes. Mmh. C'est aussi simple que ça. Ça sera des galipettes. Mais un compte enseigne le mouvement, la technique, la profondeur, le sens de la basse, la rythmique, la puissance, là on commence à rentrer dans l'aspect culturel et c'est ce que j'essaie de défendre et de représenter. Bon, messieurs, donc, voilà. Est-ce que c'est compliqué de bosser avec Ali ou il y a une certaine simplicité et... Ça dépend pour qui. Après, moi, comme j'ai à peu près le même état d'esprit, en tout cas sur le côté spirituel, moi ça me correspond parfaitement parce que je vais dans la même direction. Mais après, je peux comprendre pour certains qui sont pas vraiment dans cette direction-là que ça peut être compliqué, mais j'ai pas le souvenir d'avoir entendu qu'Ali avait des difficultés, en tout cas, pour travailler avec des gens. Donc moi, en tout cas, pour ma part, c'est cool. Merci. Et la rencontre, le rassemblement est fait dans le Planet Rap une fois de plus. Bravo Ali. C'est cool. Stretch, toi tu vas rester avec nous toute la semaine de toute façon. Yes. Il y aura encore des sons qu'on passera. Avant de se quitter, parce que c'est déjà pratiquement la fin de l'émission, on fait tourner la roulette et on se dit au revoir dans quelques minutes. C'est parti. Skyrock t'offre le jeu The Order 1886 plus la PS4 qui va avec. Salut Julien de Bourges, ça va bien Julien? Ça va bien et toi? Écoute, en pleine forme, tu es prêt à faire tourner la roulette? Ouais, toujours. Allez, je la lance dans ce Planet Rap consacré à Ali. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... The Order 1886. C'est le jeu événement The Order 1886 et peut-être la PS4 qui arrivera demain dans le morning entre 6h et 9h à pas louper. Julien, c'est pour toi. Ok, ça fait plaisir. De rien. Petite dédicace, petit message à passer. Bah, je dédicace tous ceux qui me connaîtront et puis voilà quoi. Et bah voilà. Ma famille, ma copine, tout ça. Merci à toi, Julien. Passe une bonne soirée. Merci, Ali, pour merci. Cette nouvelle soirée. On merci se retrouve beaucoup. Demain dans Planète Rap. Merci, merci, Oliver. Oliver, tu veux balancer peut-être des infos aussi, des SoundCloud des... Ouais, bah. Non, mais pour fait... te suivre aussi, si, voilà, s'il y a des gens bah. Qui veulent aller un peu plus loin aussi dans tes prods, te découvrir en tant que. Ça, il n'y a aucun problème pour ça. Après, moi, c'est juste que je ne suis pas très réseaux sociaux. Je suis un peu comme Ali à ce niveau-là. Mais par contre, j'ai quand même ouvert des comptes, un compte SoundCloud où on tape Oliver _ official. Oliver _ official. Mais en général, quand on tape Drum Dreamer sur Internet, on trouve direct. Donc, comme j'ai un parcours qui est assez intéressant dans la musique, en tout cas en France, on pourrait trouver des références assez rapidement. Donc, voilà. Et bah, allez suivre Oliver, Stretch, pareil. Toi, par contre, t'as tout. Hein, t'as, ouais. Et bah, t'as la panoplie. Hein. Facebook, Twitter, Instagram. Tout ce qui bouge. On tape DJ Stretch. DJ Stretch, TJ, STRSH. Et voilà. Et puis Ali, ça arrive. Et aussi. Ali 45 scientifique, exactement. Merci Ali pour cette soirée. Merci. En tout cas, merci à vous. Merci. On se retrouve demain entre 20 et 21 pour la suite de ce Planète Rap. Ciao, c'est Difool tout de suite, c'est parti pour la Radio Libre. Et oui, Fredo, c'est parti. Juste ah ouais, c'est bien parti là. Voilà, bah, je vois que tout le monde est déjà là. Ouais. Oui, on va parler de trucs qui font flipper ce soir. Ouh. De quoi parle-je? De quoi parle-je? Des fantômes. Des fantômes, non. De Momo, non. De Cédric. Oh, peut-être. Bon, je vous en dis plus dans un instant. Bougez pas, Radio Libre, c'est parti, jusqu'à minuit. Pamela viendra nous rendre une petite visite. Oui, ce soir. À tout de suite. Allez, à tout de suite.